Ça sent la rue, ça sent le crime, ça sent la chose sale. Ça sent les fumeurs cheat et les buveurs sky. Ça sent le braquage, le carjacking à toute allure. Ça sent la balle normale quand ça veut jouer les durs. Ça sent la descente flic quand ça fournit de la marchandise. Ça sent la concurrence quand ça veut prendre du bif dans ce bis. Ça sent la civière pour les MC car je suis dans le circuit. Ça sent l'équipe artisanale car mon son fuit du bruit. Ça sent les chiens dans les ruelles quand les liasses tombent. Ça sent le boycott dans la musique quand ça fournit la bombe. Je suis pas pris de céder, toujours là en train de gratter. Fidèle aux proches, fidèle aux proches, même pour sortir en ND. Yo, ton rap vient l'enterrer, dans ce rap je suis repéré. Depuis que j'ai la rage, on met les gens ne font que serrer. Condamné à fracturer le beat en défendant les miels. Nos marques c'est d'être pour les MC, encore la rage d'un crève la fête. Discret, consomme-le comme tu veux. C'est pas du rap de morveux, plutôt du rap nerveux. On ramène du rap vrai, grave le dans ton crâne, sinon tu risques de morfier. Discret, consomme-le comme tu veux. C'est pas du rap de morveux, plutôt du rap nerveux. On ramène du rap vrai, grave le dans ton crâne, sinon tu risques de morfler. J'rajoute mon grain d'impertinence pour redonner un goût amer. Au rap français devenu mielleux avec un arrière-goût de merde. Faut que vous sachiez tous que je m'impose aucune contrainte. Agression verbale, c'est l'état qui porte plainte. Tire à bout portant, si ta cible est hors d'atteinte. Et t'aboutira à rien, c'est dérangé par la crainte. Et j'inciterai personne à prendre le flingue. Le rap gangsta, tout ça, je laisse au baltrin. Ça sent le rap conscient, quand discret pose sur un sale son. Prise d'otage mentale, mes textes écoutent pression. Avis aux auditeurs, revenez à la raison. Y'a rien de glorieux si t'as fait 10 piges de prison. Moi je veux pas qu'on petit frère finisse en détention. Ça sent l'échec social quand tu manques d'instruction. Tu deviens marginal, t'écoutes personne. Tu forques le monde et c'est l'autodestruction. Discret, consomme-le comme tu veux. C'est pas du rap de morveux, plutôt du rap nerveux. On ramène du rap vrai, grave le dans ton crâne, sinon tu risques de morfler. Discret, consomme-le comme tu veux. C'est pas du rap de morveux, plutôt du rap nerveux. On ramène du rap vrai, grave le dans ton crâne, sinon tu risques de morfler.